cette petite comédie a extrêmement diverti tous ceux qui en ont vu les représentations. Et je me suis étonnée moi-même que sans aucune connaissance des règles du théâtre, j'ai pu faire quelque chose qui ait mérité du public une attention favorable. Mais l'esprit et le bon sens sont les meilleures règles que l'on puisse suivre. Choisir un bon sujet, donner des intérêts pressants à ses personnages, faire naître des obstacles à leur dessin et surmonter ses difficultés, voilà tout ce que je sais. Et je ne crois pas qu'il soit absolument besoin d'en savoir davantage, puisqu'avec cela, j'ai trouvé le secret de réussir. Peut-être suis-je un peu redevable de cet heureux succès à la manière dont ma comédie a été représentée. Je souhaite qu'elle plaise autant sur le papier que sur le théâtre, pour me pouvoir flatter de n'avoir obligation qu'à moi-même des applaudissements qu'on lui aura donnés.